Pourquoi tu dis que le bon Dieu, il est tout puissant? Parce qu'il est fait à mon image. Notre Père qui est mon Dieu, Seigneur miséricordieux, vers vous je lève les yeux, ce soir je me sens très pieux. Mon esprit est épuisé, à toujours se lamenter, le sort de l'humanité me fait pleurer. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas cette triste société, il faudrait t'inventer. Ben oui, quoi? Toutes ces choses à la télé, que l'on voit de loin, de près, les affaires, l'impunité, la guerre, la pauvreté. Toi qui montres le chemin, penche-toi sur mon destin, t'en as oublié certains, je t'en prie, pas le mien. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas de me voir abandonné, il faudrait t'inventer. Il faut que tu m'aimes. Je veux un parcours vertueux, dans ma rue c'est malheureux, faut bien que je leur donne un peu, pour ne pas faire d'envieux. N'éveillons pas leur colère, ne passons pas devant trop fiers, ils fractureraient nos portières, quelle misère. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas les pauvres et leurs péchés, il faudrait t'inventer. Chacun ses goûts. Et puis il y a l'injustice, la corruption et le vice. Je mets un cierge pour la police, qu'il serait bon que tu bénisses. Si le pouvoir est défaillant, les syndicats menaçants, la jeunesse en survêtement, protège-moi. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas cette insécurité, il faudrait t'inventer. Épargne-moi. Bon, c'est parce que nous souffrons que ton amour nous répond par douloureuse rédemption comme juste punition. Mais des fois tu pousses un peu, ceux qui souffrent sont trop nombreux, ils causeront des torts affreux aux bienheureux. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas de ne plus être en paix, il faudrait t'inventer. Tu voulais dire quoi? Les premiers seront les derniers. Notre Père qui est mon Dieu, Seigneur miséricordieux, vers vous je lève les yeux, ce soir je me sens très vieux. Si demain tout est fini, je voudrais voir ton paradis, aux rues propres, aux gens gentils, ni noirs ni gris. Si tu n'existais pas, je ne supporterais pas le rire des étrangers, il faut me pardonner.